Ça s'est vu jamais de nos jours. Ça s'est vu jamais. Si on considère qu'à différentes sortes d'humains, c'est le début. Non, c'est la fin. C'est la guerre. C'est au-dessus. À partir du moment où on considère ça, y'a plus rien à faire. Une race supérieure. La guerre viendra du nord. Du marché du nord. La guerre viendra du sud. Cette ère s'ouvre sur le dictat. War in the East. Des marchands. War in the West. Les prêtres et l'armée. War in the North. Sont touchés. No. Everywhere is war. War in the South. Everywhere is war. War in the East. En Europe, la guerre dans l'Ouest. Ukraine. Gaza. En diagonale. War. Over. Cold War dream. Over. Cause I see war in the north, war in the dark, war in the dark. Walk in my home. We need to be reunited. We need to make something together. Tu t'en contentes. direct, trop de dit, vérité. Droit, pas gentil, or plutôt méchant. Droit, tu te présentes pas comme il faut. Raconter, pas vraiment content. Content. Sous l'impression. Pardon. Sensiblement. Heureusement, la musique, le son nous élève vers d'autres cieux. Forget my faith. No need God. No need master. I, you, we are able to make sound. De n'importe quel côté, mais pas de nulle part, sur les trottoirs d'Alger ou de Paris, apprendre à marcher, traîner quelque part, traîner quelque part. Quelque part, pas n'importe où, endroit précis. Regarde sur Google Maps. C'est Mélissa. On a perdu l'autre chanteur. Mélissa. C'est Mélissa. About to listen, about to share. Sibylle Sassin, welcome. Sur du latin. Qu'est-ce que je vais faire? Si bémol. Si bémol. Thank you. c'est ma mère. C'est Gangsta Paradise. Hola. C'est ma main. C'est ma assassin. Gangsta. C'est ma main. Oh, c'est ma main. Une gangsta pirate. Oh. Civilisation, c'est la chute, c'est la fin. El sonido de la copa. My man, with the secret, you're my man from El Campo. C'est plus tenable. Accepter la graduation. Caregiving. comme. The beauty of the week. Salmon, vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Alors